arrivé. Good afternoon, Toronto. You're listening to Sous Pression on CHRY 105.5 FM. My name is Matsur. I'll be with you until the end of the hour, playing some French language punk, ska, and hardcore. Got some great music lined up for you, so stay tuned. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Je vais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé l'émission avec Splash 4 de leur album Kicks in Style, la chanson Une balle dans la tête sur le label Dionysus. Alors un label qui produit plusieurs groupes du style rock, du garage. On pense des groupes comme Splash 4 et même Les Terribles. Un bon label, un bon groupe avec des chansons en anglais et en français. Puis je pense, sans trop tarder, je continue en musique. J'ai le goût d'écouter du Molodoy. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, j'ai le goût d'écouter du Molodoy. Alors je vais faire jouer du Molodoy de leur album Royaume de la Jeunesse. Je vais faire jouer la 6e chanson. Cassons les murs ici à Sous Pression. Hi, I'm Jennifer Foster, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous nous écoutez à Yellowknife, vous nous écoutez aux ondes du CHRY 105.5 FM, la radio Taiga. Alors, dans le dernier bloc, on a écouté de bonnes chansons. On a commencé avec Molodoy, Cassons les murs, de leur album Royaume de la jeunesse. Et comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, je me suis levé ce matin, je me suis dit que j'avais le goût d'écouter du Molodoy. Alors, j'ai décidé d'en faire jouer à l'émission, au tout début de l'émission. Après, c'est les Breastfeeders avec la chanson « Ce ne sera pas un jour comme les autres » de leur album « Dans la gueule des jours » sorti au mois de mars dernier. Les Marmottes à placer après ça avec Hawaii de Épisode sanglant, un album sorti, ça fait déjà longtemps, de fin des années 98 peut-être. Pardon. Et on a terminé avec La Gâchette, tous à l'apéro de leur album Ne renoncera pas. C'est aussi un album qui est sorti il y a plusieurs années. Et La Gâchette est en studio en ce moment, si je ne me trompe pas. Ben, peut-être pas en ce moment, à 7 minutes exactes, mais sont dans le processus d'enregistrer un nouvel album et d'après leur site Facebook. Alors, les nouvelles qu'ils ont mis sur Facebook s'attendent à un nouvel album tôt dans la nouvelle année, dans 2012. Alors, on attend tout avec impatience le nouvel album de La Gâchette. Et en parlant de nouveaux groupes ou de nouveaux matériels, je ne ferai pas jouer du nouveau matériel dans la prochaine chanson. En tout cas, ce sera rien de nouveau. C'est du Sherwood Pogo, leur album Liberté. Sherwood Pogo, un groupe de punk français qui n'existe plus. Ça fait depuis très longtemps déjà, qui a vu le jour, si je ne me trompe pas, dans les années 80. Alors, je vais jouer la chanson Bourgeois de leur album Liberté, comme je l'ai dit, sorti il y a très longtemps. Alors, un album que je connais... depuis quelque temps, un ami me l'avait fait écouter quand j'étais au secondaire il y a assez longtemps et j'ai un peu perdu la file, j'ai pas pu le trouver, j'ai trouvé ça excellent mais j'avais pas l'album, alors ça m'a pris longtemps pour le retrouver, pas juste le trouver mais figurer le nom du groupe, alors quand j'ai trouvé j'étais bien content et je vous partage avec vous. Voici Bourgeois par Sherwood Pogo à Sous Pression. We'll be right back. Toujours sous pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 à Yellowknife. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Mais là, on est rendu dans le milieu de notre émission. Alors, il est temps que je vous rappelle que vous pouvez visiter le site web de l'émission, bien sûr, l'émission, un site web, une présence sur l'Internet, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Vous pouvez le télécharger n'importe quand, n'importe où. Chez vous, si vous avez marqué l'émission une semaine, vous voulez savoir ce qu'on a fait jouer en ondes, vous avez le goût du bon punk rock en français, allez visiter le www.souspression.wordpress.com. Si vous voulez nous contacter par courriel, c'est le c'est le souspression@chry.fm. Et bien sûr, on a une présence sur l'Internet. C'est le facebook.com/souspression. Alors, on va mettre des nouvelles. Une bonne façon de vous tenir à jour, savoir ce qui se passe. Savoir ce qui se passe dans le monde. On vient d'échapper quelque chose, pas grave. Tout le monde est correct. Paniquez pas, appelez pas la police. C'est ça, vous venir à jour pour ce qui se passe dans le monde du punk rock, du ska, du hardcore francophone. Alors, je vais faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a écouté, on a terminé avec du Malaka, leur album, de leur démo, la chanson Casque Bleu. Avant ça, c'était Barricade Mentale avec Chaos Montréal de leur album Ce soir on crève, demain on verra. Dipsomanie avant ça avec Chasseur de punk. Et on a commencé le tout avec Bourgeois du groupe Sherwood Pogo de leur album Liberté. Je continue maintenant avec un groupe, je crois qu'ils viennent de la Bretagne. Je ne me rappelle plus à 100% en ce moment. Je ne veux pas dire que c'est un fait à 100%. vraies, mais les informations, je me trompe peut-être, alors je veux dire qu'ils viennent peut-être de la Bretagne. Mais en tout cas, le groupe Red Kick, qui avec leur album East Side Band, je vais falloir jouer la chanson Rude Boy Lover, une petite chanson côté ska, puis je sais pas, chose côté amoureuse, je sais pas. En tout cas, on verra, on va faire jouer ça, puis on va continuer avec de la bonne musique. Alors, restez à l'écoute de Sous Pression. Voici Red Kick avec Rude Boy Lover Sous Pression. résistance, FTP, FTP, dans tous nos quartiers. je n'ai pas confiance en ce système. Le système, c'est la mort qu'on t'offre, c'est la mort qui te réserve. Je ne veux rien de ce qu'il prête. Je reste faux et je reste fier. On ne dit pas quoi faire et je reste faux et je reste fier. On ne dit pas quoi faire. On ne dit pas quoi faire. Salut, vous écoutez toujours Sous pression, zone C, Charlie Grec, 105.5 FM. Notre émission tire malheureusement à sa fin. Je vais faire un petit retour, par contre, sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a commencé avec du Red Kick, qui ne viennent pas de la Bretagne. En fait, ils viennent de complètement de l'autre côté du pays. Ils viennent de la Lorraine. Je sais pas pourquoi je pensais à la Bretagne. Yabassa après ça, avec FTP, Banlieue Rouge, avec Mensonge et Trahison. Après, on a écouté du Impact avec Skins and Punks. Esclaves salariés après ça avec Je reste fort, Brigada Flores Magone, La rage au corps de leur dernier album studio Tout pour tous. Jeunesse Apatride avec Ce n'est pas un jeu et on vient de terminer avec Les Bonariens et Ameutez-vous. Alors je vais terminer maintenant avec une dernière chanson par le groupe Streets of Rage. L'album, leur démo Level 1, ils ont sorti cette année, en 2011. Et c'est disponible en ligne à partir de leur site web. En fait, je pense que j'ai terminé avec du Streets of Rage la semaine passée aussi, si je me trompe pas. Ah bah, en tout cas, ça se peut. C'est un bon groupe. J'ai fait jouer souvent parce que je les aime. C'est ça, Level 1, ils ont sorti ça cette année. C'est disponible sur leur site web. C'est streetsofragenancy.blogspot.com, si je me trompe pas. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Ils vont sortir un split avec Enraged Minority. Bientôt un groupe de l'Allemagne. En tout cas, je vais terminer avec la chanson Milité de Level 1, bien sûr. Et nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez écouter le site web et avoir plus d'informations sur l'émission à partir du www.souspression.wordpress.com. www.souspression.wordpress.com. Et voici Streets of Rage à Sous pression.